voilà bientôt un an que j'ai laissé ma place, que je suis parti loin de vous, de votre vie. Je l'ai fait consciemment comme pour faire table rase. Mais votre absence me pèse comme pèse l'ennui. Nous avions une histoire, une complicité. Chaque jour devant moi, votre image persiste. Vous n'étiez pas prévu dans cette longue liste des choses que je devrais conjuguer au passé. Mon cœur est un peu triste de vous avoir laissé. Mais la vie est souvent bizarre et contraignante. Je garde dans ma tête votre image qui me hante, comme un morceau de moi qui ne peut s'ignorer. Comme un bout de ma vie que je laisse derrière, un grand sac de regrets de vous avoir perdu. Mais vous restez présent dans chacun de mes rêves. Rien n'effacera jamais ce que nous avons vécu. Je sais que si demain je pouvais vous reprendre, rien ne serait changé, vous savez pardonner. N'avez pas sur moi une revanche à prendre. Vous recommenceriez à vous faire caresser. Vous resterez toujours là au fond de mon cœur, bien vivant, bien solide avec vos habitudes. J'ai pas osé pleurer lorsqu'est arrivée l'heure prendre enfin ma route, mais l'épreuve fut rude. Voilà, je l'ai enfin dit, j'ai vidé mon bagage. Maintenant que les larmes coulent doucement sur mes joues, je vois se dessiner devant moi votre image. Et je me sens coupable d'être parti loin de vous. Voilà bientôt un an que j'ai laissé ma place, que je suis parti loin de vous, de votre ville. Je l'ai fait consciemment comme pour faire table rase. Votre absence me pèse comme pèse l'ennui. Oui, votre absence me pèse comme pèse l'ennui.